Aujourd'hui, je suis à Violet pour découvrir une école Montessori à la campagne. Et pour nous accompagner, je suis avec sa directrice, Pauline Dussauchois, et un parent fondateur, Magali Fargeau. Violet, deux écoles, une publique et une privée catholique, l'école arc-en-ciel. Et puis fin juin, tout se transforme. Expliquez-nous, Magali Fargeau. Alors fin juin, l'académie a décidé de nous retirer notre dernier poste de l'école sous contrat, le poste de primaire. Au niveau des parents, on avait deux solutions. Soit fermer l'école, comme il se passe dans 99,9% des cas, soit continuer l'école sans l'aide de l'État, en hors contrat, ce qu'on appelle maintenant les écoles indépendantes. Connaissant Montessori personnellement, nous nous sommes dit que c'était une opportunité formidable pour nous d'enfin mettre en place cette pédagogie dont nous rêvions depuis quelques années déjà. Et donc vous avez fonctionné un an avant de devenir autonome ? Oui, c'est ça. Déjà l'an dernier, en septembre, l'académie nous avait déjà retiré un poste, le poste de maternelle. Et nous avions donc déjà commencé au sein de l'école existante à créer notre classe hors contrat Montessori avec notre maîtresse Laurence Abeillon-Droit. Alors aujourd'hui, combien d'enfants ici ? Alors, ce qui est formidable, c'est de voir surtout la progression. La progression, c'est que la classe de Laurence a commencé l'an dernier avec 8 enfants et a fini avec 14. Et donc cette année, nous commençons la classe primaire avec 8 enfants et nous finirons peut-être à 14. Vous pouvez préciser les âges d'enfants, les sections ? Bien sûr. Alors du coup, nous avons de la toute petite section jusqu'au CM2. Effectivement, nous avons 14 enfants et beaucoup de petites sections. Il y a eu énormément d'arrivées en petites sections. On voit que les parents sont de plus en plus intéressés. Ensuite, nous avons 9 enfants dans la classe des 6-12 ans. Donc nous avons 3 CP, 2 CE1, 2 CM1 et 2 CM2. Maria Montessori, une femme avant-gardiste. Pouvez-vous nous retracer son histoire ? Alors Maria Montessori, c'est une femme qui a été médecin, le premier médecin dans son pays, et qui s'est intéressée de très près, qui a observé énormément les enfants. Et donc ce qu'elle a commencé par faire, c'est étudier les enfants déficients. Elle leur a proposé du matériel et a sélectionné le matériel qui leur permettait de se concentrer le plus longtemps et qui isolait chaque concept individuellement. Car elle a remarqué qu'il était beaucoup plus facile pour eux d'aborder les choses les unes après les autres. Et sa particularité surtout, c'est de commencer à aborder les choses de façon concrète, avec du matériel sensoriel. Elle a remarqué qu'en manipulant les objets, la main était comme un deuxième cerveau et qu'elle envoyait des sens, des messages au cerveau qui intégraient les choses de façon tout à fait naturelle et de façon très très forte, qui était très ancrée. Ce matériel suscite la concentration et aussi l'autonomie, car il est autocorrectif, ce qui permet à l'enfant de savoir tout de suite s'il s'est trompé ou pas. Il n'a pas à attendre une heure, voire le lendemain, pour savoir. Ce qui fait, il apprend très rapidement. Il apprend aussi à son rythme, c'est-à-dire que chaque matériel est unique, et ce qui permet de pouvoir l'utiliser longtemps, d'évoluer dans la classe en fonction de ses envies particulières et sa curiosité du moment. On appelle ça les périodes sensibles. C'est les périodes dans lesquelles les enfants ont un attrait particulier pour quelque chose. Ça peut être le langage, les mathématiques. Et on profite de ce moment où il est particulièrement sensible et curieux pour justement lui donner du grain à moudre, lui apporter ce matériel qui construit l'apprentissage. Voilà. Et donc, elle a fait cette expérience-là avec les enfants déficients. Elle a eu d'excellents résultats. Ils ont obtenu leur certificat d'études alors que c'était vraiment pas du tout gagné. Et ensuite, elle a ouvert des écoles pour les enfants pauvres. Vous pouvez dater ? Tout à fait. Maria Montessori était italienne et elle est née en 1870 et morte le 6 mai 1952. Elle a créé cette pédagogie qu'elle a appelée la pédagogie pour la paix. Son but ultime de cette pédagogie, c'est vraiment de respecter l'enfant, qu'ils se respectent entre eux et qu'ils apprennent à vivre ensemble, en coopération et dans la paix. Et vraiment, cette guerre l'a tellement touchée qu'elle a dit qu'elle voulait vraiment mettre sa pierre à l'édifice au niveau de l'éducation pour la paix dans le monde. La pédagogie Maria Montessori n'est pas récente et pourtant elle reste toujours d'actualité, n'est-ce pas ? Oui, et de plus en plus, nous on s'en rend compte que maintenant, car cette pédagogie a explosé d'abord dans les pays anglo-saxons. Et c'est maintenant en France qu'on commence à en voir les bénéfices et qu'on commence à l'installer. Mais c'est vrai qu'elle est très ancienne et en même temps, cette personne était tellement avant-gardiste que c'est seulement maintenant que les neurosciences arrivent à prouver ce qu'elle avait, par intuition, mis en place. Combien d'écoles Montessori en France ? À travers le monde, je sais qu'il y en a, il y a 25 000, c'est ça ? Et en France, on peut pas, en plus, c'est compliqué de savoir le nombre d'écoles, étant donné que, par exemple, l'année dernière, il y a une cinquantaine d'écoles qui sont montées. Cette année, à nouveau, pareil. Mais en même temps, il y a des écoles qui ferment à des endroits, donc c'est compliqué d'avoir le chiffre exact. Pauline Duchossois, alors vous avez une formation classique et puis vous avez fait une option Montessori. C'est un choix personnel, pour quelle raison ? J'ai décidé de me former en Montessori parce que je me suis intéressée très rapidement aux pédagogies actives que j'avais du mal à mettre en place dans l'enseignement classique, avec 25-30 élèves dans une petite classe, peu de moments d'autonomie, seul avec les élèves. Donc moi, je me suis formée à une formation qui s'appelle La Source. Donc La Source, formation d'Yvette Ponce, qui a été formée elle-même par Mario Montessori, le fils de Maria Montessori, et qui est une formation qui essaye de faire perdurer justement la rigueur de la pédagogie Montessori. Pour vous deux, peut-être une phrase qui résonne en vous, une phrase de Maria Montessori. La plus grande phrase et la plus connue et qui est la plus juste, c'est « Aide-moi à faire seul ». Celle que beaucoup de gens connaissent, mais qui est effectivement très réelle, c'est-à-dire que les enfants, on les aide à aller vers l'autonomie. On leur montre comment faire pour devenir autonome dans la classe. Et vous, Magali Ferjou ? Moi, de loin, ma préférée, c'est « L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse. En prenant soin de cet embryon comme notre trésor le plus précieux, nous travaillerons à faire grandir l'humanité. » Pouvez-vous nous décrire la salle de classe ? Alors, je vais vous parler, moi, de ma salle de classe, donc celle des 6-12 ans. C'est une grande classe de 90 mètres carrés dans laquelle, en fait, il y a beaucoup d'espace pour circuler, étant donné que les enfants peuvent travailler à la fois sur leur bureau, à la fois ils peuvent prendre un tapis pour travailler par terre ou sur les tables de regroupement. Ils ont le choix du travail. Il faut beaucoup d'espace dans cette classe. Donc, on a aussi toutes les activités qui sont mises à disposition à la taille de l'enfant. Le but est que l'enfant puisse avoir l'activité facilement, qu'il puisse l'avoir sans la faire tomber, sans... il ne faut pas empiler les activités. Donc, on a des meubles bas, en fait, dans lesquels on va retrouver par thème, donc les mathématiques, le langage, la découverte du monde. Et un peu plus loin, là-bas, on a une bibliothèque avec un coin pour lire pendant la journée et un autre coin qui va être le coin écoute pour écouter de la musique aussi. 7h30 en chiffres rouges illumine la nuit. J'entends lève-toi et bouge. Aujourd'hui c'est lundi. Pour remuer les fesses, il me faut serrer les dents, conjurer les menaces d'une journée sans écran. Je trouve pas la deuxième chaussette, en plus on a piscine. J'ai coincé ma baguette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, tout en qu'on a mis une enclume dans mon tout petit sac à dos. J'ai perdu mes pinceaux, oublié la table de 8. Dehors il pleut à saut, j'ai le blues au zénith. On devrait payer les bambins qui vont à l'école à pied, rayer les lundis matins du calendrier. Ça nous fait des bonnes journées, tu vois. Là décoller, c'est pas ce qu'on croit. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça. La récré, je me débine et me confonds en louange. Pour éviter le gros Kevin et ses tartes aux phalanges. La cantine est un cauchemar, celle-ci file de Bruxelles à l'Aïe. C'est un laboratoire et nous sommes les cobayes. Cette année, de nouveaux bourreaux pour nous tenir en laisse. On fait leur entrée au tableau, Pythagore et Thalès. Qu'ai-je donc fait de mal pour qu'on me mette en tête? Conjonction pronominale, circonstancielle, épithète. Sachant qu'une baignoire se remplit en 800 secondes et demie, qu'il faut 120,3 cerises pour un bon clafoutis. Que le train A croise le train B à 6h10 en gare de Rennes, en déduire la pointure du coiffeur du fils du capitaine. Ça nous fait les bonnes journées. Vous êtes bien sur RCF, c'est l'émission Couleur Forêt qui s'est déplacée à Violet. Toujours dans l'école Arc-en-Ciel Montessori, en compagnie de Pauline Dussochois, sa directrice, et Magali Farjou, un parent fondateur. Et si vous nous décriviez une journée type ? On démarre le matin par une activité qui nous vient de Fresnay. Une activité quad neuf, où le matin, les enfants parlent de ce qu'ils ont vécu la veille, de ce qu'ils ont vécu dans le mois, de quelque chose qu'ils ont envie de nous parler, d'une découverte, un caillou, quelque chose qu'ils ont eu. Donc nous sommes à 9h. Nous sommes à 9h, effectivement. De 9h à 9h... 9h20, 9h30, ça dépend s'il y a beaucoup de discussions. Ensuite, de 9h30 à midi, puisqu'il faut 2h30 pour que l'enfant puisse vraiment avoir le temps de faire son activité de bout en bout. Du coup, les enfants vont aller choisir individuellement des activités. Donc, activités qui leur sont bien entendu présentées avant. Donc, au départ, je leur présente l'activité soit en individuel, parfois par groupe de deux, ça dépend du niveau des enfants. Il faut que le niveau soit égal, qu'il n'y ait pas un enfant qui passe par-dessus l'autre pour qu'il puisse apprendre vraiment les deux en même temps. Pendant que je vais être avec certains, il y en a d'autres qui travailleront seuls. Donc un plan de travail qui est mis en place à la semaine, dans lequel l'enfant en fait, va avoir toutes les activités qu'il doit réaliser au cours de la semaine. Donc ce plan de travail, c'est notre contrat. Et le vendredi, on prend un temps ensemble pour voir comment a été réussi le travail, si ça a été difficile, qu'est-ce qui lui a posé problème. Et voir s'il a réussi à tout faire ou s'il a même dépassé son plan de travail. Et du coup, à partir de ça, on réajuste le plan de travail pour la semaine suivante. La suite ? Oui, la suite. Du coup, après, à midi, on s'arrête et on va manger. On va directement à la cantine qui est dans l'école. Donc du coup, là, il y a deux choix. Soit les familles apportent le repas pour les enfants chaque matin, soit sinon on a un repas traiteur qui nous vient de panissière, donc qui essaye au maximum de faire des fruits et légumes bio ou locaux. Donc ça, c'est très chouette. On partage ce temps ensemble de midi à 13h où justement la classe de maternelle et la classe des 6-12 ans sont mélangées. Donc le but, c'est vraiment que les enfants puissent partager et coopérer ensemble, aussi que les grands puissent aider les plus petits à manger s'ils n'y arrivent pas ou à les encourager. Fin du repas, puis ils vont se laver les mains, se brosser les dents. Et ensuite, ils ont un petit temps de repos, soit dans la salle de garderie où ils vont dans la bibliothèque lire un livre, ou alors ils peuvent même aller dehors prendre un petit peu l'air. Puis à 13h, on remonte dans la classe et de 13h à 13h30, on fait un temps de méditation, relaxation. Un peu plus tard dans l'année, on présentera le yoga et le tai chi. Le but étant que l'énergie revienne vers l'intérieur, l'énergie qui puisse revenir pour que du coup, ils puissent se recentrer, se reconcentrer pour repartir dans des activités qui demandent beaucoup de concentration et de réflexion. Et après, de 13h30 jusqu'à 16h, on repart sur du coup, ces 2h30 de travail en individuel. On va faire aussi dans la semaine différentes heures de travail en groupe. Justement, ce sera plutôt les après-midi. On va faire musique, on va faire du jardinage. Donc là, on monte dans notre jardin, un jardin en permaculture qu'on va faire avec les enfants. On va avoir aussi des ateliers philo. On va avoir un atelier d'une heure qui s'appelle conscience écologique, ou comment on peut aider la planète à mieux survivre. On va avoir aussi le vendredi, en début d'après-midi à 13h30, où on va aller faire une balade, souvent entre 1h et 1h30. On va lier ces balades-là avec tout ce qui va être botanique derrière. Donc ça va être la recherche d'empreintes d'animaux, ça peut être les feuilles pour l'herbier, ça peut être la découverte. On va profiter aussi de ces balades-là, des fois, pour aller aussi à l'extérieur. Par exemple, le fait d'être une petite classe nous permet... avec nos voitures personnelles à deux, de pouvoir partir à la fête de la science à Roanne ou à Saint-Étienne, de partir pendant l'année visiter plein de choses. On va aussi avoir cours de cuisine, des visites chez les artisans du village. Donc on va aller voir, on a déjà contacté la boulangerie, on a un pépiniériste, on va aller voir un apiculteur. On va aller voir une ferme qui vient juste de s'ouvrir où il va y avoir des chèvres, des cochons et aussi plus tard des paniers bio au niveau des légumes. Donc on va essayer de comprendre sur des grosses structures comment ça fonctionne. Le but étant que les enfants découvrent le travail très rapidement et découvrent les gens qui travaillent autour de chez eux. Et notamment en boulanger, que le pain n'arrive pas comme ça directement dans les paniers et comment il se construit et que c'est un travail où on doit se lever très très tôt et que c'est très difficile pour comprendre vraiment comment c'est fait. Et du coup, suite à ces visites, les enfants doivent faire des exposés par groupe de deux ou trois qui vont le présenter dans la classe des maternelles. Le but étant de faire de plus de liens possibles entre les grands et les petits. Tous les enfants de la classe ont une mission. Un gardien du temps, un monsieur météo... Oui, chaque jour, chaque enfant a une responsabilité, une ou deux, ça dépend des enfants. Le responsable des lumières qui doit veiller à ce que les lumières soient éteintes. Va y avoir celui qui va s'occuper de la classe, parce que du coup, dans la méthode Montessori, il y a aussi, c'est très important, l'environnement. Et notre environnement doit toujours être beau, prêt, et quand on revient, qu'il soit toujours agréable à utiliser. Donc les enfants font partie de cet environnement-là. La classe, c'est un petit peu comme une deuxième maison, ils y sont toute la journée. Donc le but étant qu'ils s'y sentent bien, donc ils doivent ranger, nettoyer la classe et la préparer pour le jour d'après, quand ils vont revenir ou après le week-end. coup, le gardien du temps, c'est lui qui va nous permettre de suivre le rythme de la journée. Donc, c'est lui qui va nous dire à 12h05, il est temps de s'arrêter, on doit aller manger. C'est lui qui va nous dire quand est-ce qu'il est temps de revenir en classe. Donc, c'est aussi pour pousser les enfants à savoir lire l'heure, à pouvoir aussi gérer un groupe, se dire, bah, tiens, c'est le moment d'y aller, d'être attentif aux autres. On va avoir aussi un président du conseil qui va mener les grandes discussions. C'est lui qui va donner la parole à chacun, qui va prendre les notes sur les sujets qui auront été évoqués pour des futurs exposés. Et après, tout plein de métiers aussi qui vont être importants dans la classe. Celui qui va être responsable de l'appel, savoir si tous les enfants sont là, de la date, le laveur de tableaux, le nettoyeur du sol, le bibliothécaire qui va nous ranger les livres le soir, le messager qui normalement est fait pour transmettre des messages entre les classes et aussi ramener des enfants qui viennent nous voir de temps en temps, des maternelles qui viennent nous rendre visite dans la journée. Voilà. Vous ne travaillez jamais seul en classe, vous êtes toujours assisté. Cette année, on a la chance de pouvoir être toujours deux. Deux services civiques qui nous accompagnent cette année, un dans chaque classe, Isabelle Pradier et Ariane Bruyanc. Et ce matériel pédagogique, il a un coût. Alors, comment vous financez ? Magali Ferjou. La question du financement, c'est la question de notre école. Notre école est une école coûteuse du fait qu'elle est indépendante. On doit subvenir aux besoins financiers du bâtiment, du personnel et aussi de ce matériel qui est coûteux en effet. C'est du matériel en bois qui est fait pour durer, pour rester beau et attractif justement pour les enfants. Donc forcément, il a un coût, mais il a un coût qui est justifié. La question pour nous, les parents, qui a été très compliquée, c'est de savoir comment on allait faire pour que cette école ne soit pas une école élitiste, du moins financièrement. Et c'est ce qui a été le plus compliqué dans notre projet. Plusieurs solutions ont été mises en œuvre. Car en effet, il y a des écoles Montessori qui prennent le parti de simplement diviser les frais de toute l'école et le répartir aux parents. Plusieurs solutions ont été apportées par l'association pour réduire au maximum les coûts. Donc on propose une scolarité à 35 euros par mois et par enfant au minimum, que l'on complète par un investissement parental bénévole. Donc en fait, c'est les parents qui n'ont pas d'argent qui pourront apporter du temps. Pour nous, c'était très important de laisser ce choix-là de façon à ce que tous puissent inscrire leur enfant à l'école. Et donc, cet investissement en temps, il peut prendre plein de formes différentes. Créer une manifestation ou participer aux manifestations de l'école existantes, comme la marche, notre concorde belote, etc. Ça peut être aussi mettre à profit ses compétences en faisant, par exemple, des cours de chant pour ceux qui aiment le chant, etc., pour apporter de l'argent. Ça peut être de la vente de billets de tombola, ça peut être de la recherche de mécénat et de dons de particuliers en essayant de toquer à la porte des amis, des entreprises de nos connaissances, etc. Donc, c'est notre façon d'aborder le financement. Les familles sont quand même très engagées, parce qu'on ne choisit pas Montessori comme ça. Oui, évidemment. Ça suppose un choix au niveau de la vie, parce que forcément, soit on a de l'argent, et dans ce cas-là, tout est plus simple, soit on veut apporter du temps, et ça demande une organisation au niveau familial pour pouvoir apporter plus de temps à l'école. Mais c'est un choix que beaucoup arrivent à faire, car quand on va visiter la classe et quand on voit les enfants, forcément, on se dit que tout cet investissement, il n'y est pas pour rien et que ça en vaut la peine vraiment. Maria Montessori d'actualité, puisque un film va sortir au cinéma justement pour faire connaître sa pédagogie. Oui, ce film s'appelle Le maître est l'enfant avec E-E-S-T. C'est un film qui explique la pédagogie Montessori et qui rentre au sein d'une classe. Et donc, il peut être très intéressant à toutes les personnes qui se demandent un petit peu à quoi peut ressembler une classe Montessori. Une avant-première à Rouen. Oui, alors une avant-première qui est prévue le 12 octobre à Rouen, qui a été organisée par l'école Montessori Saint-Louis de Rouen. Et donc un petit débat avec un échange aura lieu après pour justement parler des écoles et aborder toutes les questions qui pourraient se poser après ce film. Quelles sont les prochaines manifestations au profit de l'école Arc-en-Ciel Montessori de Violet ? Notre grosse manifestation, donc c'est la marche qui aura lieu donc le 5 novembre. C'est toujours le premier week-end de novembre à Violet. Et ensuite, on aura juste après, le 2 décembre, donc toute la journée de 9h à 15h, les portes ouvertes de l'école. Qui sont ouvertes à tous, aux parents, grands-parents, mais aussi amis ou simplement curieux, professionnels de l'enfance, tous ceux qui veulent visiter, voir à quoi ça peut ressembler. Mais s'il y a des parents qui sont intéressés avant, ils peuvent bien entendu venir quand ils veulent nous appeler. Alors vous allez nous donner ce numéro de téléphone ? Au 04 74 63 91 41. Je me ferai un plaisir de leur répondre et de les inviter à venir à l'école. Et donc le site de l'école, c'est montessori-violet.fr où on a toutes les informations concernant l'école et concernant notre appel aux dons. Eh bien moi, je vais remercier Pauline Dussauchois, directrice de l'école Arc-en-Ciel Montessori de Violet, et Magali Fargeau, parent fondateur, de nous avoir fait découvrir une école Montessori à la campagne. Je vais vous souhaiter bonne chance dans votre challenge. Merci.